de la femme et de l'homme. Expliquez qu'est-ce que c'est cette affaire. On va commencer par le plus intéressant, la femme. Le plus intéressant, j'ai dit. Pas important. Intéressant. J'ai pas dit que l'homme est plus important. Mais... laissez-moi tranquille. Bon. La femme, c'est un être qui doit éventuellement, au cours de l'évolution, réinventer ce qu'on appelle la vie. Et quand je dis réinventer la vie, je veux dire que la femme, au cours de l'évolution, à cause du développement chez elle, de la conscience et de la descente de l'énergie dans ses corps qui sont très différents de ceux de l'homme, pourra réinventer ce que l'on peut appeler l'esprit de la forme. La fonction de la femme dans les siècles à venir, lorsque la femme aura accès à l'éther, sera de réinventer l'esprit de la forme. Qu'est-ce que c'est l'esprit de la forme? L'esprit de la forme, c'est cet aspect inférieur de la création qui a servi dans le passé à encapsuler une certaine sorte d'énergie pour permettre qu'il y ait sur la Terre le phénomène de la procréation par la sexualité matérielle qu'on connaît. La femme, au cours des âges à venir, aura la capacité d'introduire dans les terres terrestres, une forme de vie qui ne sera pas semblable à celle que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'elle est Madame Robida, est-ce ici? Madame Robida? Est-ce qu'elle est venue ici, madame? Si vous suivez ce que je dis, là, vous allez pouvoir voir ce que je veux dire. Madame Robida, c'est comme ma télévision. Quand je dis que la femme possède des corps particuliers et que sa fonction éventuellement au cours de l'évolution, c'est de réinventer ou recréer l'esprit de la forme, je veux dire que la femme doit éventuellement créer dans les mondes éthériques des champs de force suffisamment puissants pour neutraliser ce qu'on appelle le mal. Neutraliser le mal dans ce sens que son champ de force sera aligné avec certaines vibrations venant d'intelligence très perfectionnée et que l'amalgation de ces forces-là à travers elle créera autour de la planète une couche d'énergie. Et cette couche d'énergie-là sera suffisamment intense, puissante, pour empêcher que la planète Terre respire. Et lorsque la planète Terre aura cessé de respirer, il sera impossible aux forces astrales de se distribuer à l'extérieur de cette enveloppe-là. Et à ce moment-là, l'éther terrestre sera libre et ce qui vivra ou ce qui évoluera à l'extérieur de cet éther-là sera parfait. C'est-à-dire qu'il sera parfaitement équilibré et ne pourra jamais revenir à l'intérieur de cette couche d'énergie qui aura été créée par la femme. La femme est un être La femme est un être cosmique, non pas dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui, mais dans le sens que la femme possède en elle, sur le plan de sa conscience atomique, des réserves d'énergie qui sont aussi vieilles, aussi anciennes que le temps à l'intérieur duquel a été créé l'esprit. L'homme, par contre, a une fonction totalement différente. La fonction de l'homme dans les temps qui viendront, lorsque l'homme aura accès à l'éther, sera de conserver pendant une très grande période de temps l'énergie de cette forme qui aura été créée par la femme, de la protéger, d'empêcher que cette forme soit contaminée par l'intérieur, par les forces astrales qui auront été emprisonnées à l'intérieur de cette construction-là. Autrement dit, demain, la femme sera l'être cosmique qui donnera à l'éther, qui créera sur la Terre la limite de l'éther terrestre, et l'homme sera l'être cosmique qui empêchera les forces emprisonnées de détruire par l'intérieur cette couche-là. Ça, c'est la fonction cosmique de l'homme et de la femme. Une raison aujourd'hui sur la Terre pourquoi l'homme et la femme ne sont pas capables de vivre leur rôle, c'est parce que l'homme et la femme sur la Terre aujourd'hui sont encore trop conscients de la valeur psychologique de leur être-té. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas capables de se dissocier du phénomène d'être femme, et les hommes ne sont pas capables de se dissocier du phénomène d'être homme, et cette incapacité de se dissocier de ceci fait partie du fait qu'ils sont prisonniers de l'astral. Lorsque les hommes et les femmes seront libres de l'astral, qu'ils seront des êtres cosmiques, à ce moment-là, l'homme et la femme entreront dans un rôle évolutif très différent qu'on n'a jamais connu sur la Terre. Et à partir de ce moment-là, il sera facile pour la femme de devenir homme et l'homme de devenir la femme selon qu'il sera plus nécessaire qu'il y ait de créativité au niveau de cette enveloppe éthérique, ou selon qu'il sera nécessaire qu'il y ait plus d'activité au niveau de la protection de cette enveloppe contre les forces négatives. Alors, le rôle, la séparation des sexes, la dualité des sexes que nous connaissons aujourd'hui sur la Terre, provient du fait que nous avons institutionnalisé une fonction sociale et que nos corps étant encore non développés, nous n'avons pas la capacité de prendre conscience de nos corps spirituels, autrement dit de nos corps moronciels. Et comme nous ne sommes pas capables de prendre conscience de nos corps moronciels, nous sommes fixés dans nos matières. Et le fait que nous sommes fixés dans nos matières, nous sommes obligés d'être prisonniers des lois astrales. Étant prisonniers des lois astrales, l'homme et la femme sont obligés de s'exercer dans une sexualité qui convient à ces lois-là, au lieu de s'exercer dans une créativité qui neutraliserait ces lois-là et qui donnerait à la femme le bâton de la vieillesse et qui donnerait à l'homme le bâton du séjour. Le bâton de la vieillesse étant cette capacité à l'immortel de transcender le temps psychologique, racial, de la mémoire de la race. Et le bâton... C'est quoi l'autre bâton? Le bâton de séjour étant celui qui permet à l'immortel de demeurer sur une planète aussi longtemps qu'il veut. Si la femme veut échanger plus tard de bâton, autrement dit, changer de niveau vibratoire, changer de niveau de pouvoir, changer de niveau d'expérimentation sur le globe, elle peut le faire parce que dans ce temps-là, la femme ou l'homme seront libres d'interchanger leur moroncialité. Ils ne seront plus prisonniers de leur forme physique. Ils seront libres d'échanger leur moroncialité et d'invoquer pour leur propre plaisir personnel, leur propre plaisir créatif, les conditions qui feront partie de leur intelligence. Alors, si on a une femme extrêmement évoluée sur le plan du mental, à ce moment-là, cette femme pourra interchanger plus facilement dans le rôle que l'homme possède. Une femme moins évoluée sur le mental aurait plus de difficultés à interchanger, et c'est ça qui créera la fameuse pyramide occulte, invisible, de la souche des pères de la sixième race. Nous autres, aujourd'hui, on considère la femme et l'homme, ou la femme considère l'homme, ou l'homme considère la femme, en fonction d'une polarité liée à leur sens. Demain, l'homme ne verra pas la femme comme telle, la femme ne verra pas l'homme comme tel. Les deux êtres se verront ou se réaliseront simplement dans la lumière. Et ce sont les différentes vibrations de l'un et de l'autre qui permettront à l'un de reconnaître l'autre. Tant que nous sommes sur le plan matériel, tant que nous sommes prisonniers de la matière, tant que nous ne sommes pas conscients, tant que nous ne sommes pas encore moroncialisés. Autrement dit, tant que le corps éthérique n'est pas suffisamment bâti, construit, développé pour pouvoir sortir du corps matériel, on est obligé, les hommes, de vivre une vie d'homme, c'est-à-dire qu'on est obligé de subir les influences astrales sur notre corps astral, et les femmes sont obligées de faire la même chose. Une fois que l'homme est libre dans sa moroncialité et que la femme est libre dans son moroncialité, ou autrement dit le corps de lumière, à ce moment-là, l'un et l'autre n'est plus l'homme et femme. L'un et l'autre est simplement un état d'énergie qui est différent de l'autre état d'énergie, qui peut procréer une race invisible par la thyroïde, mais qui n'a pas de relation sexuelle telle que nous le connaissons. À ce moment-là, la femme n'existe plus en tant que telle, l'homme n'existe plus en tant que tel. Tout ce qui existe, c'est une conscience moroncielle, et la conscience moroncielle devient un fait réel d'une nouvelle évolution sur un plan invisible de la Terre, qui est chargé de balancer constamment les forces entre l'extérieur éthérique de la Terre et l'intérieur éthérique de la Terre. Le rôle de la femme, pourquoi il y a homme et femme aujourd'hui, c'est pour que demain, il y ait une force agissant à l'extérieur et une force agissant à l'intérieur, pour balancer. Autrement dit, un jour, l'homme reconnaîtra que la dualité des sexes, la séparation des sexes, n'était qu'une préparation dans le matériel pour en arriver éventuellement à une constitution nouvelle dans l'éthérique. Mais à ce moment-là, les lois, les activités, les relations seront tous du domaine de l'esprit et il n'y aura plus de représentation psychologique dans la conscience, dans la mémoire de l'humanité, de l'homme ou de la femme ou du couple. Ça se comprend-tu là? Ça se voit-tu, ça, ce que je vous dis? Oui, c'est ça. Parlez-moi de ça. Moi, je perçois à ce moment-là, là, comme quand la femme va, quand l'énergie de l'éther, là, va, je vois la terre, là, environnée comme une bulle. Mm-hmm. Cette bulle-là, là, c'est une espèce de nuage. Ce nuage-là, c'est à l'extérieur de ça. Là, il y a des rayons. Je vois des rayons, là, qui sont pas visibles, qui se dirigent vers l'intérieur. Il y a une... Je vois pas en dedans de la Terre. C'est pas en dehors. Voyez-vous entre l'enveloppe et la Terre? Est-ce qu'il y a de voir entre l'enveloppe et la Terre? Parce qu'à ce moment-là, je suis en Terre, si je regarde entre l'enveloppe et la Terre. Bon, si vous passez par le pôle Nord, oui. Si vous passez par le pôle magnétique du Nord, vous rentrez dans le pôle magnétique du Nord, c'est une des portes d'entrée, ça. Alors, vous passez par le pôle magnétique, puis là, automatiquement, vous entrez à l'intérieur de cette enveloppe-là, puis là, vous entrez sous l'enveloppe. Je vois comme la couche de nuages, là. Comme en dedans de la couche de nuages. Mais mon esprit est attiré vers en dehors. Comme je suis toujours en dehors. Bon, ben essayez d'entrer en dedans. Il faut passer par le pôle. Vous êtes obligé de passer par le pôle pour entrer par en dedans. Vous passez par le pôle, vous rentrez dans le pôle. Faut rentrer dans le pôle. Ensuite, là, vous pouvez connaître l'intérieur. À ce moment-là, moi, je vois la Terre comme un globe avec des veines. Comme une bulle transparente avec des veines. Suivez une veine. Les veines font partie des courants éthériques de la planète. Ces veines-là peuvent vous amener n'importe où sur la Terre. C'est comme ils s'interconnectent toutes. Et si vous regardez l'homme, si vous regardez l'homme à l'intérieur de la surface, à l'intérieur de l'enveloppe, et que vous regardez l'activité de la femme dans la couche de nuages, vous allez voir qu'il y a comme des plans d'énergie qui sont plats, sont unidimensionnels. C'est des plans plats, tu sais, comme des plates de plexiglas, là. Oui. C'est des plans. C'est comme une image plate. C'est comme une image plate. Oui. Cette image-là représente le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Est-ce qu'ils sont capables de me dire? Ces images-là représentent le pouvoir de quelque chose. Le pouvoir de quoi? La transformation. Non. Moi, je ne l'ai pas, là. Ça, je le demande. Ces images plates-là représentent le pouvoir de quelque chose. Ça représente le pouvoir de la sexualité. À ce moment-là, c'est au niveau de la transformation de l'atome. C'est au niveau de la transformation de l'atome. La sexualité demain, dans l'éther, sera totalement liée à la transformation de l'atome. Parce que la sexualité, telle qu'elle sera vécue, ce sera une force qui permettra que l'atome soit constamment renouvelé. Dans l'évolution éthérique de la planète, les conditions de vie seront constamment renouvelées. C'est pas comme nous autres aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la Terre, les conditions de vie sont fixes, sont lentes, prennent des siècles. Dans l'éther, les conditions de vie seront constamment renouvelées et c'est l'activité sexuelle entre l'homme et la femme à ce niveau-là qui permettra le renouvellement constant, constant, constant, constant. Autrement dit, la fonction de la sexualité, la fonction créative de la sexualité sera totalement sous le contrôle de l'intelligence universelle à travers les corps mondiaux. Tandis qu'aujourd'hui, la sexualité est sous le contrôle des forces astrales à travers les corps physiques. Et ces plans-là sont des plans unidimensionnels qui renferment, c'est comme des batteries, qui renferment. Alors, aussitôt qu'il y aura échange entre hommes et femmes, l'échange d'énergie sera emmagasiné dans ces plans-là. Et si vous rentrez dans un de ces plans-là, là, vous allez voir que ces plans-là sont des espaces. Ce sont des espaces d'énergie qui sont aussi réels que l'espace pour nous autres. Et à l'intérieur de ces espaces-là, il y a des vaisseaux qui correspondent à... qui ont l'air un peu comme des balles, tu sais, des balles de revolver, là. Et comme des cônes. Des cônes. Oui. Et dans ces cônes-là sont l'équivalent de ce qu'on appelle nous autres les spermatozoïdes d'aujourd'hui sur la matrice. C'est là-dedans là, que se joue tout le travail. Autrement dit, merci. Autrement dit, ce que je veux faire comprendre de l'homme et de la femme, c'est pas tellement important aujourd'hui de comprendre l'homme et la femme dans ce sens-là. Mais le point que je veux faire, c'est que on doit, au cours des années qui viennent, absorber des connaissances qui ne font pas partie de notre temps. Pour qu'il y ait intervention entre notre intelligence réelle et notre intelligence subjective, pour détruire notre intelligence subjective complètement, pour neutraliser la mémoire de notre intelligence subjective, afin que nous ayons plus des sentiments humains. Je vous explique quoi. Parce que les sentiments humains sont une sorte de maladie qui fait partie de la race humaine. La race humaine, c'est une race qui a été contaminée depuis des siècles par des sentiments humains. Et le phénomène du sentiment humain, si vous le regardez d'un point de vue cosmique, c'est comme une maladie. C'est de la maladie. Puis, pour détruire cette maladie-là, ça prend un antidote. Et l'antidote de cette maladie-là, mais c'est la façon dont moi je vous parle. Quand je vous parle d'une certaine façon, je détruis un peu cette maladie-là. Et c'est important que cette maladie-là soit détruite. C'est pour ça que je laisse tellement de mémoire derrière moi pour que un jour, l'homme ne soit plus capable de vivre sur le plan matériel une vie humaine dans le sens traditionnel du terme. Il faut que l'homme en arrive un jour à souffrir d'une sorte de solitude, d'une sorte de tristesse, d'une sorte de cafard, d'une sorte de c'est plat, d'une sorte de y a rien qui se passe. Il faut que l'homme en arrive un jour à souffrir ça. Parce que ça, c'est la clé qui va l'amener à la transformation de son corps astral. L'homme ne peut pas vivre sur la terre, transmuté sur la terre, sans souffrir cette sorte de souffrance que j'énumère un peu là. Moi, je l'ai vécu, ça. Je sais exactement ce que je veux dire. Et c'est très important que l'homme souffre ça. Et l'homme qui aura conscience, mort au ciel, souffrira ça. Il y en a déjà qui le souffrent. C'est normal, c'est bon et c'est essentiel. Mais il y a une correspondance à cette souffrance-là. C'est que quand tu commences à vivre cette souffrance-là, tu commences à perdre lentement conscience du temps. Et plus tu perds conscience du temps, plus tu perds conscience de toi-même, plus tu perds conscience de toi-même, plus tu prends conscience de toi-même réellement, énergiquement. Plus tu construis ton toi-même énergique, et ton toi-même énergique, c'est ta conscience moroncielle, ton corps moronciel. Fait qu'un jour, quand le moi-même moronciel est suffisamment construit, il y a séparation entre le moi-même moronciel et le corps physique, parce que la vibration est trop haute. Fait que lentement, tu sors de ton corps, et c'est normal. Là, tu commences à prendre conscience de ta destinée occulte ou ta destinée invisible ou ta destinée évolutive. Tu commences à prendre conscience. Tu commences à être ce que tu devrais être. Autrement dit. Mais l'homme doit connaître et ne pas s'attrister de cette sorte de solitude, de ces plates. Il y a une expose. Avant j'avais du fun, là, je n'ai plus. Tout ça. Ça, c'est bien. La raison pourquoi est-ce que je ne vous parle pas de l'éther, c'est parce qu'on est sur le plan physique, puis on a bien des affaires à apprendre sur le plan de physique avant de commencer à nous intéresser à l'éther. D'un autre côté, il y a des aspects de l'éther qu'un jour, probablement, j'expliquerai. Pour vous faire comprendre, pour vous dissocier de plus en plus de l'impression qu'on peut avoir que l'éther, c'est pas important. Parce qu'il y a une subtilité. L'éther, c'est pas important. Mais l'éther, c'est important. Mais ce qui fait que l'éther, c'est pas important, c'est parce qu'on a encore du sentiment en nous. Si on n'avait pas de sentiment en nous, pantoute, on serait capable de parler de tous les plans, physique, éthérique, whatever. Astral, mental. C'est le fait qu'on a encore du sentiment. Autrement dit, qu'on a une certaine attache à la vie qui nous empêche d'être capable de parler de quoi que ce soit à tous les niveaux. Moi, quand je parle avec les morts, j'ai bien du fun. Je trouve ça bien intéressant. Pourtant, je suis du plan physique. Mais quand je parle avec les morts, je suis d'une autre vibration. Puis je trouve ça bien intéressant. Parce que parler avec les morts, c'est le fun. Mais pour que tu puisses parler avec les morts, ou pour que tu puisses parler avec des êtres qui sont dans les airs, pour que tu puisses converser avec une condition de vie qui est totalement objective à la tienne ou à l'extérieur de la tienne, il faut que tu n'aies pas dans l'esprit de miroitement provenant du sentiment lié à l'astralité de ta vie. Sans ça, tu n'es pas capable. Automatiquement, tu vas dire, bon, ben, l'éther, ou la mort. Mais si tu es libre de ça, à ce moment-là, tu as le regard suffisamment clair. Autrement dit, tu as l'esprit suffisamment présent sur ces plans-là pour converser avec ces plans-là et t'instruire de ces plans-là. Mais tu t'intéresses pas à ces plans-là comme tu t'intéresseras avec ces plans-là si tu avais moindrement de sentiments. L'intérêt que tu peux avoir pour des plans invisibles quand tu es conscient, puis l'intérêt que tu peux avoir pour des plans invisibles quand tu n'es pas parfaitement conscient, c'est pas pareil. Quand tu n'es pas parfaitement conscient, l'intérêt que tu as est le produit, ou l'absence d'intérêt, est le produit d'un sentiment. Mais tandis que quand tu es conscient, tu n'es pas intéressé aux autres plans, puis tu n'es pas intéressé aux autres plans. Tu es soit avec ou en dehors. Comment tu veux dire? C'est ça la différence bien subtile que je veux faire. Et ça provient encore du fait que Tant que l'esprit n'est pas totalement fusionné avec l'ego, l'ego a toujours un petit peu de place pour jouer en dehors du champ d'activité de l'esprit. Et l'ego, naturellement, va jouer sur le plan matériel, bien plus qu'il va jouer sur le plan de la mort ou sur le plan éthérique. Sa place est ici. Parce que tout ce qui est réfléchi en lui fait partie du site. Et tout ce qui fait partie du site crée en lui des sentiments qui lui permettent de se lier avec ça. Mais aussitôt qu'il n'y en a plus de ça, l'ego devient translucide. L'ego devient fixé dans l'énergie de l'esprit. À ce moment-là, l'ego peut fonctionner et s'intéresser à tout. Tous les plans. Une fois qu'il s'intéresse à tous les plans, il se produit un phénomène. Il se produit comme un déchirement dans son intelligence. Le déchirement dans son intelligence lui apporte une énergie. De cette énergie, il vit. S'il n'y a pas le déchirement dans son intelligence, il n'y a jamais cette énergie-là. Alors, automatiquement, il ne peut pas vivre de cette énergie-là. Il la subit. Et c'est le stage où vous êtes aujourd'hui. Vous subissez aujourd'hui cette énergie-là. Et comme vous la subissez, c'est que ça crée comme un stress. Parce que c'est comme vous êtes pris entre deux vies. Vous êtes pris entre une vie dont vous avez conscience vibratoirement. Puis la vie matérielle qui prend beaucoup plus de place dans votre conscience. Au lieu d'être... Tandis que si vous y avait déchirement dans votre intelligence, vous ne seriez pas plus sur le plan matériel que sur la Terre ou que sur la Terre. Vous seriez également là où vous êtes. Si vous êtes dans l'astral, vous êtes dans l'astral. Si vous êtes éthérique, vous êtes éthérique. Si vous êtes physique, il n'y aura pas de différentiel. Il n'y aura pas de différenciation. Mais ça nécessite le déchirement de l'esprit. Et pour que l'esprit de l'homme soit déchiré, il faut que les sentiments humains, le sentiment de la vie, la condition de la vie, l'astralité de la vie, soient totalement suspendus. Il y a des gens qui ont, à cause de leur sensorialité, leur extrasensorialité, à cause d'une sorte de faculté, ils ont beaucoup de résistance à visualiser les autres plans. Mais en général, les hommes n'ont pas ça. Mais ceux qui l'ont, cette faculté-là, je me sers de cette faculté-là comme je fais avec Mme Robida. Elle l'a, Mme Robida. Ça ne fatigue pas, elle. Elle aime ça. Des fois, je la vois qu'elle me watch, puis les yeux de papillote, puis ça, ils marchent comme des yeux d'oiseau. Papillote, puis ça marche. Ça fait partie de sa faculté. Elle s'ajuste à ça. Parce que c'est pénible vivre de cette sensibilité. Mais moi, je reconnais une chose. Je reconnais que tout est important. Quand je dis que tout est important, je veux dire que tout ce qui vient de l'esprit est important. Alors, pour que tout ce qui vient de l'esprit soit important, il faut que le corps, les corps de l'homme, le mental, l'émotionnel de l'homme, l'astral de l'homme, soit ajusté à cette énergie-là. Sans ça, à ce moment-là, tout de l'esprit n'est pas important. À ce moment-là, l'homme se renferme dans son expérience physique. Et à ce moment-là, l'homme manque d'être nourri par l'esprit parce que son intelligence n'a pas été déchirée. Il faut que l'intelligence de l'homme soit déchirée. Une fois que l'intelligence de l'homme est déchirée, l'homme s'intéresse à tout. Des fois, moi, je suis à la maison et je vais dire, « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? » Là, il me parle. Naturellement, il me parle de ce qu'il faut. C'est un autre plan. Pourtant, c'est bien, bien, oui, c'est différent, c'est totalement autre. Puis moi, ça m'intéresse. Parce que mon esprit était déchiré. Parce qu'il n'y a plus de sentiment dans l'intelligence. Mais aussitôt qu'il y a le moindre sentiment dans l'intelligence, là, on ne peut pas bénéficier de l'énergie de l'esprit. Alors, automatiquement, on ne peut pas participer à la présence de l'esprit sur les différents plans qu'il peut occuper à la fois. Alors, automatiquement, on n'est pas capable de comprendre les conventions du langage de l'esprit. Et c'est pourquoi on n'a pas accès au langage universel. Une fois qu'on a accès au langage universel, ben à ce moment-là, c'est facile pour nous autres de discuter de n'importe quoi, avec n'importe qui, avec n'importe quelle intelligence, venant de n'importe où, dans n'importe quelle dimension, et tout nous intéresse. On ne sent jamais la séparation entre la matière et l'état. C'est très facile pour nous autres, les hommes, c'est très facile pour nous autres, les hommes, de perdre conscience. C'est très facile pour nous autres de perdre conscience puis d'avoir l'impression d'être conscient. C'est très facile pour nous autres de perdre conscience puis d'avoir l'impression qu'on devient plus conscient. Puis ça peut se faire en même temps. Ça. En même temps.